Salut à tous et bienvenue au premier épisode du podcast Epistemia. Donc le premier épisode enregistré il y a plusieurs mois maintenant. C'est un peu rough, surtout mon animation au début, mais je m'ajuste quand même assez rapidement, c'est pas si pire finalement. Je fais aussi une affirmation douteuse à propos de Michael J. Fox basée sur un article lu il y a 15 ans à peu près. Mais bon, mon ami Anne-Marie Harel Dubot livre la marchandise et nous parle de la recherche fondamentale à propos de la maladie de Parkinson qu'elle a fait à l'université dans le cadre de sa maîtrise. J'ai trouvé notre conversation très intéressante, j'espère que vous aussi. On n'a pas encore de musique d'intro, donc ça commence un peu sec. À l'instant. Salutations, chers auditeurs, pour le premier volet de cette émission qu'on va peut-être appeler Epistemia, mais on ne sait pas encore. On est présentement en compagnie de Anne-Marie Harel Dubot, biologiste, qui étudie... Allô? Qui étudie la biologie cellulaire et moléculaire à l'université de... Trois-Rivières. Puis là-bas, tu as fait une maîtrise. Oui, j'ai fait mon bac et ma maîtrise. Ben, et ta maîtrise. C'était quel sujet? Ma maîtrise, c'est sur tu veux dire le bac? Les deux. OK. Le bac, c'est en biologie médicale, puis j'ai suivi après avec le programme de maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire qui englobe beaucoup de laboratoires là, à l'intérieur de l'université. Donc, moi, j'ai pris le profil neurosciences durant ma maîtrise. Fait que c'est biologie moléculaire, puis là-dedans, t'as des profils, toi, t'as pris neurosciences. Oui, okay. Voilà. Fait qu'on peut dire que t'es neurobiologiste? Oui, on pourrait dire ça. Ouais. C'est pas réglementé comme appellation, fait qu'on peut bien dire ce qu'on veut. Ah oui? On pourrait dire ça. Non. Fait que t'es avec nous, t'es avec nous aujourd'hui pour nous parler de ta maîtrise. Oui. Il y avait quelques articles qui étaient sortis à propos de ça apparemment aussi. Oui, ben j'ai fait une maîtrise par article, donc le but de ma recherche durant ma maîtrise, c'était de produire un article scientifique au final. OK. Avoir une publication à mon nom. C'était sur les effets neuroprotecteurs de molécules naturelles sur la maladie de Parkinson, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans le laboratoire où j'ai fait ma maîtrise, le laboratoire du docteur Maria Grazia Martinoli, on travaillait tous sur différentes molécules naturelles, mais sur le même modèle cellulaire de maladie de Parkinson. Donc, chaque étudiant à la maîtrise avait comme sa molécule, mais on travaillait un peu tous sur la même maladie, le même modèle, puis les mêmes tests, mais au niveau de différentes molécules. Donc, la mienne, c'était la cucurbitacine E. C'était-tu avec ça qu'on commençait? Non. Non. Mais c'est pas grave. Ben, regarde. On peut y aller avec ça. Mais je pense que c'est mieux que tu nous parles un peu de la maladie de Parkinson. Oui, parce que peut-être. Tout le monde travaillait dessus. Oui, dans mon labo, on travaillait tous là-dessus. Donc, la maladie de Parkinson, ben, c'est la maladie qu'on connaît tous comme les gros tremblements. Donc, qui est vraiment caractérisé par les tremblements qui sont très visibles. Les gens qui en sont affectés, surtout les personnes âgées, sont pas capables de tenir un crayon, de tenir une fourchette de façon stable. Donc, des tremblements qui affectent beaucoup la qualité de vie, puis une rigidité musculaire aussi. Donc, une difficulté à... La rigidité musculaire, là, c'est surtout comme une rigidité à... plutôt, une difficulté à initier le mouvement. Donc, la personne veut avancer, mais il y a comme un délai avant qu'elle réussisse vraiment à mettre un pied en avant. Donc, c'est aussi une des caractéristiques, pas seulement avec les tremblements, parce qu'il y a une autre maladie qui ressemble beaucoup, qui est le tremblement essentiel. Mais la maladie de Parkinson, c'est vraiment la rigidité, la difficulté à initier le mouvement, puis les tremblements. Les tremblements. Ouais. Mais juste pour savoir, oui. L'espèce de délai qu'il y a entre vouloir faire le mouvement et le mouvement, je trouve ça curieux. Oui, mais dans le fond, la maladie de Parkinson, au niveau physiologique, au niveau cérébral, c'est la mort des neurones dopaminergiques de la substance noire. Donc, la substance noire, ça fait partie des noyaux basaux du cerveau. Donc, c'est vraiment le cerveau basal, les fonctions primaires du cerveau, il y a le mouvement. Dans le mouvement, ben c'est ça, c'est régi par la substance noire. Donc, toutes les influx, toutes les demandes, par exemple, que le cerveau pourrait avoir pour initier un mouvement, ça passe par là. Puis après la substance noire, ça s'en va vers les nerfs, puis vers les muscles. OK. Donc, il faut que... C'est comme un passage obligé pour toutes les demandes que t'aurais d'initier un mouvement. Donc, dans la maladie de Parkinson, ces neurones-là, ils meurent. C'est particulier, à cet endroit-là, précis, physiologiquement, ces neurones-là meurent. Donc, quand tu fais une demande, vu qu'il y a moins de neurones pour aller

Parlant de Michael J. Fox, apparemment qu'il y a Ouais. plusieurs personnes sur le plateau de son émission de télé qui ont eu le Parkinson aussi, fait qu'ils doutaient des facteurs environnementaux. Ah, ouais. J'ai entendu dire qu'il était au moins 2-3 à avoir eu le Ok. Parkinson à des âges qu'il n'était pas supposé de l'avoir. Parce que dans sa famille, ils sont plusieurs. Ah ouais? Ouais. Ok. Ça fait un bout que j'ai vu ça, genre sur Mais ça affectera TIMDB, pas là. nécessairement tout le monde, mais encore là, ça a rapport avec la transmission génétique, là. Ça se peut que dans les enfants, ce soit pas tout le monde qui ait le mauvais gène, là. Ça serait très, très possible. Puis comment est-ce que vous étudiez, comment est-ce que vous étudiez la maladie de Parkinson comme telle? OK, donc nous, on a travaillé sur des modèles cellulaires. Donc, on travaille pas avec des gens, on travaille pas avec des animaux, on travaille vraiment in vitro avec des cellules, avec des neurones, en fait. Donc, on est vraiment dans la recherche fondamentale, mais c'est une façon de pas tester n'importe quoi sur n'importe qui, puis sur n'importe quel animal aussi. Puis, c'est vraiment pour voir fondamentalement, est-ce qu'on a un bon effet si on prend juste des neurones, juste notre molécule, est-ce qu'on a un effet bénéfique? C'est vraiment ça. Donc, les cellules qu'on utilise, c'est des cellules, bon, c'est des cellules in vitro, mais on les différencie en leur donnant des facteurs de croissance pour qu'ils deviennent des neurones dans nos pétris, dans le fond, Ouais, dans nos ça. boîtes de Quand pétri, tu là. dis Ouais. in vitro, c'est on sont séparés de tout autre organisme, Oui, c'est c'est ça. C'est des cellules toutes seules, dans un bocal microscopiques. Ouais, dans un bocal. microscopique. Ouais, OK. qu'on peut pas voir, là, dans ce bocal. Ben, quand il y en a assez épais, on peut venir en voir le médecin. Tu peux pas voir une cellule. Tu peux voir si t'as une couche ou un amas ou quelque chose, mais les cellules, c'est vraiment, vraiment microscopique. Par contre, en les différenciant en neurones, on peut vraiment voir les filaments, les neurofilaments, donc les dendrites, les axones et tout. On peut voir ça en microscopie. C'est bien joli. L'espèce de structure en étoile classique du neurone. Donc, la façon qu'on mime la maladie de Parkinson, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est avec le MPTP, dont je ne nommerai pas le nom complet parce que c'est super compliqué. C'est une toxine, c'est une neurotoxine, en fait, qui cause le Parkinson chez l'humain. Ça a été découvert en synthétisant de la drogue, en fait. C'est des... Ouais, ce Okay. sont des accros quelque part aux États-Unis qui se sont toutes mis à développer des symptômes de Parkinson. Puis le médecin trouvait ça un peu bizarre, fait qu'ils ont comme... Ils ont suivi la trace de ce qu'ils avaient consommé, ce qui s'était injecté, puis c'était des drogues synthétisées là, dans un sous-sol avec aucun contrôle de qualité ou rien. Puis il y avait un contaminant dans la drogue qu'ils utilisaient, puis c'est le MPTP qui cause une dégénérescence spécifique de la substance noire, donc qui cause des symptômes de Parkinson. Donc c'est maintenant une toxine qui est utilisée partout pour l'étude du Parkinson. Chez l'animal, ça fonctionne. Dans les cellules toutes seules, ça cause vraiment une dégénérescence. C'est super spécifique, ça fonctionne très bien. Puis c'est ça, ça a été découvert complètement par hasard. Il y a personne qui cherchait ça de façon... Il y avait personne qui Une pensait que personne ça qui se cherchait pouvait, pas ça. Oui, genre. c'est ça. C'est une personne qui cherchait ça. Ça a juste été découvert. Puis maintenant, c'est super pratique pour la recherche. Parce que ça fonctionne. Évidemment, on teste pas ça chez les humains, Ah. là. Mais pour les animaux de recherche, c'est encore la toxine qui est la plus utilisée en ce moment. Est-ce que c'est une toxine toxique? Je veux dire, est-ce que vous travaillez avec des gants, tout ça, c'est certain. Oui, oui, oui. Oui, ça marcherait, là. Oui. T'as pas besoin de l'injecter hein, pour que ça fasse un effet. Alors, tu peux comme. Oh, je suis pas certaine, mais est-ce qu'on prend le risque? Non, Ah, c'est ça, je veux. je travaillais pas avec un gros appareillage, mais quand même avec un masque et tout, parce que Ok. oui, on veut pas Ah, prendre le risque de l'inhaler puis que ça cause un problème localement au niveau de la tache olfactive, par exemple, les neurones qu'il y a dans le nez. Non, oui, c'est. c'est à manipuler avec précaution, c'est sûr. Là, vous preniez cette molécule-là, puis vous Oui. la. Ben, on la mettait dans nos cellules. Donc, quand on a des cellules dans un bocal, ils baignent dans un liquide nutritif qu'on appelle le milieu. OK. Parce que sinon, ils sécheraient. Mais c'est un peu, ça a tous les nutriments qui, normalement, sont apportés par le sang. C'est dans ce liquide-là. L'interface aussi avec l'air pour que les cellules puissent respirer. Parce que des cellules, ça respire. Comme nous, on doit respirer pour aller apporter de l'oxygène à toutes nos cellules via les globules rouges. Ben, les cellules dans un bocal aussi, il faut qu'ils respirent. Mais juste en les mettant dans un liquide, avec l'interface avec l'air, et le liquide va apporter tous les gaz que les cellules ont besoin. Donc, on met des nutriments. Puis, c'est ça, dans ce milieu-là, on met la toxine. Donc, ça affecte toutes les cellules. Puis, ce que la toxine fait, dans le fond, c'est causer un choc oxydant à la cellule. Donc, Est-ce que tu connais les radicaux oxydants et les molécules antioxydantes? Ben, je connais les molécules antioxydantes qui étaient, il y en a dans le vin, là, puis il faut que t'en... Oui, qui sont très populaires, qu'on nous dit qu'il faut prendre beaucoup, puis là, ça pourrait peut-être régler le cancer, mais je pense que cette vague-là est passée. Ouais. Donc, dans nos cellules, quand on fait la respiration cellulaire avec l'oxygène, il y a toujours un échange qui se fait, qui crée des... Bon, l'oxygène, c'est oxydant. L'oxydation, c'est le même principe que la rouille, c'est juste que là, ça se passe à un niveau physiologique, là. Donc, pour respirer, pour aller chercher l'énergie qu'il y a dans l'oxygène, il se crée une réaction oxydante. Puis, donc, notre cellule, en respirant, en allant chercher son énergie de l'oxygène, est toujours en train d'essayer de détoxifier, donc d'enlever son oxydation. Donc, il y a toujours un échange de... Elle se fait oxyder et elle réduit pour survivre, en fait, là, pour pas accumuler ces déchets oxydants-là, est Okay. toujours en train d'échanger des ions oxydants, des ions réducteurs. Donc le processus d'oxydation crée un déchet. Oui, un déchet toxique que la cellule est comme toujours en train d'éliminer. OK. Donc, un déchet toxique vraiment au niveau moléculaire, là. C'est pas un déchet-déchet, là. C'est pas un détritus, mais c'est vraiment au niveau cellulaire, moléculaire, là, ce que la cellule respire. C'est comme nous, quand on mange, on crée des déchets, mais là, c'est vraiment au niveau moléculaire, là. Donc, ce qu'elle utilise pour faire son énergie va créer un déchet toxique qu'elle va devoir détoxifier et éliminer. Ou juste qu'on respire aussi, tu sais, Oui, c'est oui, comme c'est le oui. même principe. C'est ça, on respire, on inhale l'oxygène, puis on ressort le CO2. C'est pas mal le même principe. Là, tu fais le choc oxydant avec le Le MB, MPTP, ouais, MPTP. c'est ça. Dans le fond, ce que le MPTP va faire, c'est qu'il va venir interrompre la chaîne qui permet de détoxifier, qui permet La cellule l'antioxydant. Ouais, de de se sortir. débarrasser, c'est ça. Puis de venir neutraliser, en fait. C'est ça le mot que je cherchais. C'est que tu viens neutraliser les déchets oxydants. Donc, la chaîne de réaction moléculaire qui permet de neutraliser le déchet oxydant, le MPTP, il coupe, il l'empêche. Fait que là, il y a plein de déchets oxydants qui sont créés, mais sont jamais neutralisés. Donc, éventuellement, c'est trop pour la cellule, puis elle en meurt. C'est vraiment ça qui se passe. Donc, les molécules antioxydantes, pour faire le passage vers ça, c'est vu comme une panacée beaucoup parce que on commence à parler quand on vieillit. Nos cellules accumulent ces déchets-là, mais sont jamais capables de totalement s'en débarrasser. Ce qu'on appelle les radicaux libres aussi, c'est toujours créé, puis ça finit par s'accumuler dans la cellule. Parce qu'il y en a que la cellule peut pas détoxifier quand c'est des molécules trop complexes, des molécules chimiques. Il y en a qui finissent tout le temps par s'accumuler, surtout dans la peau, un intérêt commercial très grand pour les antioxydants, c'est beaucoup dans la peau, la protection contre les radicaux libres, parce qu'on dit que notre peau vieillit, parce qu'elle est trop attaquée par les radicaux libres. Bon, à savoir si tout ça c'est vrai ou pas, à savoir si c'est du jargon publicitaire ou pas, là, c'est discutable, mais ce qu'on sait, c'est que plus la cellule vieillit, plus elle a du mal à se débarrasser de ces molécules antioxydantes, plutôt, de ces radicaux libres. Elle a du mal à les neutraliser. Donc, éventuellement, la cellule va mourir, elle va être sénescente, puis elle va mourir. Donc, plus ça va, moins elle est efficace. Donc, en prenant, par exemple, des molécules antioxydantes, on pourrait venir continuer à neutraliser l'oxydation de chaque cellule pour la garder jeune, pour la garder fonctionnelle, pour la garder en vie, puis la garder la plus efficace possible. Donc, pour la maladie de Parkinson, ça a été vu tout de suite comme une panacée, comme un intérêt vraiment, puisque les cellules meurent clairement de stress oxydant. Donc, lorsqu'il y a trop de radicaux libres, lorsqu'il y a trop de molécules oxydantes et de déchets oxydants, on appelle ça le stress oxydant. Donc, pour débarrasser la cellule du stress oxydant, on s'est dit, on va prendre des antioxydants. Donc, la cellule va rester en forme fonctionnelle, puis ils mourront pas, comme dans le cas de la maladie de Parkinson. Donc, c'est clair que la maladie de Parkinson, c'est causé par un stress d'oxydation. Non. Non, OK. Il y en a un. Est-ce que c'est la cause? OK. C'est ça. On voit le stress oxydant dans la maladie de Parkinson. Qu'est-ce qui l'a causé? Là, ça, c'est encore. OK. C'est ça. Ça peut être Ouais, bien des c'est ce que choses. tu disais Par tantôt, on exemple, n'a pas encore la oui, c'est cause. ça. Par exemple, l'insecticide qui a été découvert, ou le pesticide. Non, l'insecticide est un pesticide. Enfin, qui a été découvert qui causait la maladie chez des gens, mais il fait un peu comme le MPTP. Il vient bloquer la chaîne de neutralisation des radicaux libres. Donc, ça crée une augmentation, donc ça fait mourir les cellules. Donc, Donc, on n'a pas les causes, mais on a comme un des effets de la oui, maladie c'est qui est ça, comme la qui est chaîne un de... symptôme, probablement les symptômes les plus graves Ouais, les plus importants. qu'on voit au niveau de la cellule. Ça fait mourir spécifiquement ces cellules-là. Ouais, voilà. Là, Vous voulez des antioxydants? La cucurbitacine? La cucurbitacine E, ben, au laboratoire, on travaille sur des molécules antioxydantes pour essayer de protéger ce neurone-là du MPTP. Donc, c'est vraiment, on vise une prévention et non une guérison. Parce que, en mettant des molécules antioxydantes, ben, en fait, c'est surtout le principe que les cellules mortes ne Oh! peuvent pas. Bon. Waouh! On enregistre live. On fait pas de Inhalable. montage, mais bon, il est 5 heures. Ça, c'est une heure précise pour moi. Ah, voilà, ok. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça, c'est que des neurones qui sont morts, comme dans la maladie de Parkinson, malheureusement, c'est irréversible. On va pas ressusciter des neurones. Mais encore là, c'est probablement des gens qui essayent. Ouais, c'est irréversible, on se l'imagine, mais on pourrait potentiellement mettre des cellules souches dedans puis en Oui, ben régénérer à l'avenir. ça c'est une grosse voie de recherche. Ben c'est pas tant l'avenir là. Il y a vraiment des recherches là-dessus sur venir. Je pense que Michael J. Fox en a eu. Ça se peut, oui, tout à fait. Par contre, souvent ce qu'on voit, c'est que les cellules qui ont été greffées viennent qu'à avoir des symptômes de Parkinson très rapidement parce qu'ils sont entourés de cellules malades, puis ça les contamine. C'est bref, oui, voilà. Donc c'est un tout autre axe de recherche. Mais nous, ce qu'on vise vraiment, c'est la prévention pour essayer de garder ces neurones-là en vie. Donc, si on garde les neurones de la substance noire en vie, on garde la fonction motrice, on garde la mobilité de la personne. Donc, la cucurbitacine E, ben, c'est la molécule qui m'a été attitrée, moi. C'est la cucurbitacine E parce qu'il y en a d'autres avant, là. Il y a A, B, C, D, machin. Mais elle est extraite d'une cucurbitacée, donc d'où son nom, qui s'appelle Ecballium elaterium. Oh boy. Oui, OK. voilà. C'est un concombre sauvage qui vient du bassin méditerranéen. Donc, c'est pas une plante qu'on a dans notre alimentation. C'est une plante qui est utilisée en médecine. Voyons. Traditionnel. Oui, c'est ça, en médecine traditionnelle, c'est ce que je cherchais. En Turquie. En Turquie. Ouais, pour différents effets. En fait, c'est un collègue de ma directrice de maîtrise, le docteur Martinoli. Son collègue est à l'île de Malte, qui fait lui-même, qui fait pousser et qui extrait plusieurs molécules de ce petit concombre, le Ecballium elaterium. D'ailleurs, la cucurbitacine E, je pense que parfois on l'appelle l'alpha elaterine pour Ecballium elaterium. Enfin, donc c'est des molécules un peu obscures. Mais c'est pourquoi est-ce qu'on l'extrait de cette plante-là? C'est parce que c'est dans cette plante-là qu'il y a le plus de cucurbitacine E par volume. OK, Donc, c'est juste mais il y en a aussi la dans meilleure. la meilleure source. Oui, j'ai le meilleur yield en Ouais, tête. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais. Le je meilleur sais. résultat, là. C'est lui qui en a le La plus meilleure dedans. quantité Ouais, la par meilleure volume. quantité. Voilà. Mais il y en a aussi dans le bon vieux concombre anglais. Il y en a, mais il n'y en a pas Il n'y a pas beaucoup. Il n'y en beaucoup. a vraiment pas beaucoup parce que une des particularités qui est absolument pas médicale de la cucurbitacine E, c'est que c'est une des molécules les plus amères au goût. Donc, avec le concombre, l'humain a comme développé comme un peu. Ouais, le Oui, à concombre force de. anglais Oui, c'est pour ça. Il a ça. comme sélectionné les concombres les plus sucrés, les plus juteux. Donc, il a éliminé la cucurbitacine E du concombre C'est ça. qu'on a maintenant en épicerie. Donc, Le il n'y en a concombre presque qu'on pas. mange maintenant, c'est comme les bananes. Oui, c'est pas un fruit qui existait dans la nature, C'est hein, mais ça. qui existait dans la nature. Voilà. Tandis que Elaterium, ouais. l'Ecballium et l'Atérium, je l'ai bien dit. Oui, tout à Ah, fait. c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si pire. Il y en a des pires. Donc celui-là, c'est un vrai. Là, j'imagine. Celui-là, c'est un vrai concombre Mais naturel. ça a vraiment pas l'air d'un concombre. OK. C'est vraiment une plante, puis c'est son fruit, mais il y a presque pas de chair, il y a juste des graines, puis une écorce. OK. C'est vraiment peu. C'est peu mangeable, là. Ça serait pas. Ça viendrait pas à l'idée d'un grand monde de manger ça. Donc, on est vraiment. On en est loin. J'imagine que je me plais à imaginer que les enfants turcs qui avaient des maladies à qui on donnait ça devait être oh non pas le jus de concombre non voilà ça devait pas être très Éventuellement, ils ont friand donné des concombres à saveur de banane. oui mélangé avec autre chose qu'ils pouvaient trouver donc oui la cucurbitacine E, ça a plein de d'autres petites propriétés intéressantes justement c'était utilisé pour la fièvre donc c'est anti-inflammatoire en fait. Ça fonctionne bien au niveau anti-inflammatoire. Donc, nous, on l'a utilisé pour sa capacité antioxydante, ce qu'on croyait, en fait, parce que avec la structure moléculaire et tout, puis avec les molécules avec lesquelles on travaillait au laboratoire, on s'attendait à ce que ce soit un antioxydant. On a été surpris. En fait, ce n'est pas un antioxydant. Il ne fonctionne pas très bien pour ce qui est du MPTP, pour ce qui est de la maladie de Parkinson, sur nos cellules. En tant que neuroprotecteur, donc pour protéger les cellules de la mort induite par notre toxine, la cucurbitacine E fonctionne bien. Donc, okay, c'est pour ça qu'on a travaillé avec. Déjà, juste, on a fait les tests de base. Est-ce que ça sert, est-ce que ça fonctionne pour prévenir la maladie? Oui. Donc, vous saviez que ça, c'est capable de prévenir la maladie? Oui, ça fonctionne pour maintenir la survie des cellules. Mais pas pour les mêmes raisons que vous le pensiez. Ben, on a fait nos tests pour savoir si c'était une bonne molécule antioxydante. Parce que in vitro, ça pouvait fonctionner, mais juste chimiquement avec la molécule puis des radicaux libres, tu vois que les deux se couplent ensemble puis tu te dis, ah, ça doit être capable de capter des radicaux libres nocifs. Mais dans la cellule, ça fonctionne pas. En fait, donc l'émission de radicaux oxydants par les cellules affectées par notre neurotoxine n'était pas abaissée par la cucurbitacine E. Donc elle n'était pas capable d'avoir un effet protecteur antioxydant sur nos cellules. Par contre, elle avait un effet protecteur tout court. Donc là, il fallait trouver pourquoi. Donc l'autre voie de signalisation qu'on a étudiée, c'est l'autophagie. L'autophagie, okay. Est-ce que ça dit quelque chose? L'autophagie, c'est de l'air. Non, mais tu peux décortiquer le mot. C'est parce que je pensais à les voies de signalisation cellulaire, oui, qu'on pourrait expliquer. Ben, c'est ça. C'est ça, il y en a plusieurs, dont l'autophagie. Puis l'autophagie, c'est comme se manger lui-même. Oui, c'est ça. Donc, il y a les voies de signalisation cellulaire que je voulais aborder, ben, il y a tous les radicaux oxydants dont on a parlé. Mais là, ça fonctionne pas. Parce que la plupart des molécules antioxydantes, ce qu'ils font, dans le fond, c'est un peu une éponge. Donc, la cellule respire, elle produit des radicaux oxydants, puis là, elle-même, elle réussit à les neutraliser. Là, on vient introduire le MPTP qui casse la chaîne qui permet de neutraliser les radicaux oxydants. Donc, il y a une production constante de radicaux oxydants parce que la cellule respire, elle travaille et tout, mais ils sont plus neutralisés. Donc, ce que les antioxydants font en général, c'est comme une éponge qui va absorber tous les radicaux oxydants pour que la cellule... Ben, la cellule est plus capable de s'en débarrasser, donc pour qu'ils aient pas des effets nocifs, parce que les radicaux oxydants, c'est très, très dangereux. Donc, il va juste les absorber comme une éponge. Donc, la cellule, elle peut continuer ses activités comme si de rien n'était. Même si la toxine a brisé sa chaîne de neutralisation, il y a un facteur extérieur qui est l'antioxydant qui vient neutraliser les radicaux oxydants. Et fait que les radicaux oxydants sont encore dans la cellule. Oui. Sauf qu'ils ne peuvent plus affecter la cellule comme telle. Voilà. Ils sont plus dangereux parce qu'ils sont neutralisés par la molécule antioxydante. OK. Donc, qu'est-ce qu'on venait dire avec ça? Oui, c'est ça. La cucurbitacine E, elle fait pas ça. Elle agit pas comme une éponge. Donc, il faut qu'elle fasse d'autres choses pour se débarrasser de ces radicaux oxydants-là. Donc, ce qu'on regarde, c'est l'autophagie, c'est, comme tu dis, c'est se manger soi-même. C'est un système digestif que... comme un système de digestion que la cellule a. Donc, on sait qu'il y a certaines cellules qui vont faire de la phagocytose ou de la pinocytose, qui est de venir chercher un peu de milieu extérieur. Donc, la phagocytose, c'est des éléments, soit d'autres cellules, des bactéries, etc., que la cellule va littéralement manger, dégrader, comme une digestion, puis se servir de ces éléments-là pour faire d'autres choses. La pinocytose, c'est juste du liquide, le liquide à l'extérieur de la cellule, que la cellule va ploup, manger, dégrader, utiliser. Oui, c'est nos cellules font ça. Dans le fond, la phagocytose, c'est beaucoup les globules blancs qui vont faire ça avec les cellules mortes, les bactéries. C'est ça qui crée le pu, d'ailleurs. Ah oui? Oui. Le pu, c'est... des globules blancs qui ont phagocytosé tout ce qui était mauvais, nécroser les bactéries et tout. Puis ça s'agglomère. Ça... Oui, c'est ça. Ça crée le pu. Ouais, j'avais jamais pensé à l'origine du pu. Tout ce que je savais, c'est que c'était mauvais. Mais le pu... C'est pas mauvais comme tel, c'est... Non, c'est plus la gestion de ce qui était dangereux et mauvais. C'est comme le déchet final, ce qui était... Fait que c'est pas que des bactéries méchantes. C'est des globules blancs qui ont tout bouffé, toutes tes bactéries méchantes, puis que là, ils sont pleins. Puis ils peuvent plus vraiment accomplir d'autres choses parce qu'ils ont juste trop mangé de choses méchantes. C'est vraiment le déchet de tout ça. Mais ils ont accompli leur fonction. Là. Ils sont pas un macrophage, qui est la cellule qui mange les bactéries méchantes. Ben, sa fonction, c'est de se promener puis d'aller bouffer tout ce qui est... Mais dans une plaie, il y a tellement de choses à bouffer qu'à un moment donné, c'est saturé. Puis... Oui, c'est ça. Fait qu'il a accompli sa job. Puis là, à un moment donné, on crève l'abcès. Puis tout ça, on s'en débarrasse, puis on recommence à neuf. Donc, l'autophagie, c'est ça, mais à l'intérieur, c'est aussi pour se débarrasser du méchant. Parce que dans une cellule, Dans une cellule, il y a des organites, qui sont les organes de la cellule. Je t'apprends-tu quelque chose? Mais il y a le noyau. Tout le monde sait que dans une cellule, il y a un noyau. Je savais que la cellule avait plusieurs composantes. Ouais. Mais ces composantes-là, à un moment donné, ils deviennent vieilles, puis usées. Fait qu'il faut s'en débarrasser. Ils sont recyclés? Oui. Voilà. Donc la cellule mange, en quelque sorte, ses propres organes pour les digérer en morceaux de construction de base, là, si on veut. En okay. éléments de base, pour ensuite en reconstruire de nouveau. Fait que c'est un processus analogue à la digestion... Oui. Que toutes nos cellules font à l'intérieur d'elles-mêmes, constamment. Un des organites qui se fait le plus digérer, je dirais, parce qu'il y a peut-être une durée de vie moins longue que les autres, c'est la mitochondrie. La mitochondrie, c'est l'organite dans lequel on fait la respiration cellulaire, dans lequel a lieu l'échange gazeux, l'échange avec l'oxygène, la création de l'énergie. C'est, je sais pas si t'as déjà entendu parler de la mitochondrie, mais c'est les centrales d'énergie. Je sais que la mitochondrie, c'est spécial. Oui. C'est pas nécessairement la même provenance. Ah oui, il y a beaucoup de discussions, oui, que ça aurait été une bactérie qui aurait été absorbée par les premières cellules eucaryotes lors de l'aube de la vie pluricellulaire, ouais. C'est aussi un point central du jeu Parasite Eve, mais... Ça se peut, oui. Mais c'est pas encore, à ma connaissance, les gens s'entendent pas encore là-dessus pour dire que la mitochondrie, c'est une bactérie à l'origine. Okay. Parce qu'il y a des pour, mais il y a des contre aussi. Okay. Donc, faut pas juste se baser sur le fait que ça ressemble à un bâtonnet, puis que ça vit... Il y a son propre ADN, c'est ça qui est aussi elle a son propre ADN. Bon point central. Je voulais pas le mentionner pour pas me tromper, genre. Puis non, avoir l'air non, c'est de... vrai. Mais c'est ça que j'ai entendu, c'est que l'ADN est pas tout à fait pareil que le restant de la cellule. Ben, c'est que le restant de la cellule a tout son ADN à la même place, dans le noyau. Donc, tout ce qui est fait dans la cellule, qui est créé dans la cellule, est dans le noyau, sauf la mitochondrie. Elle a son propre petit bout d'ADN à donc, elle. C'est ça qui met de l'avant la théorie que ça vient d'ailleurs. Oui, oui. Mais c'est pas nécessairement que ça vient d'ailleurs, c'est peut-être juste que la cellule produit quelque chose d'ADN à côté, pareil. Ça s'est développé comme ça, ouais, c'est très... Faudrait faire des recherches pour voir c'est quoi l'état de cette question-là actuellement. Là. C'est encore très débattu, puis il y a des pour et des contre. Mais bref, la mitochondrie dans la cellule, puis c'est comme la génératrice. Oui, c'est ça. C'est elle qui fait l'énergie. Donc la respiration cellulaire, ça se passe dans la mitochondrie, l'oxydation de l'oxygène, la production de radicaux libres, mais aussi la neutralisation des radicaux libres, tout ça se passe dans la mitochondrie. Par contre, en produisant des radicaux libres constamment, la mitochondrie va s'oxyder elle-même, donc elle a une durée de vie. À un moment donné, elle est rendue juste trop rouillée, puis il faut la changer. Donc, la cellule va bouffer ses mitochondries, les digérer, puis ensuite en fabriquer des nouvelles, avec les ingrédients de base qui vont avoir resté de la digestion de la mitochondrie. Le processus est pareil comme pour la phagocytose, donc ça va créer un... Quand la cellule... Ah, ça, c'est dur d'expliquer ça sans avoir d'image. Là. Quand la cellule, elle prend de l'extérieur, elle va créer comme une vacuole. Elle va vraiment créer une vésicule à l'intérieur de la cellule, compartimentée dans laquelle... Une poche? Ouais, un peu. Une poche dans laquelle il va avoir ce qu'elle a mangé. Puis ensuite, il y a des petits organites qui s'appellent des lysosomes, qui eux autres ont des enzymes digestives dedans, vont fusionner avec la poche pour libérer leurs enzymes digestives dedans, puis tout dégrader. Donc l'autophagie, c'est la même chose. C'est vraiment, vraiment le même processus. Les lysosomes vont fusionner avec la vésicule d'autophagie, tout dégrader à l'intérieur, puis ensuite ça, c'est recyclé. À place de prendre quelque chose de l'extérieur, ça fait le même processus. Oui, mais à l'intérieur. C'est comme quand même une petite poche hein, qui... Oui, ouais. Ouais, c'est vraiment une vésicule ou une vacuole à l'intérieur de la cellule, puis... Après ça, toutes les étapes de dégradation, c'est vraiment les mêmes que si c'était un élément extérieur. OK. On digère, en gros. Là, la cucurbitacine E... On s'est dit que peut-être qu'elle aurait un effet là-dessus, parce que c'est une façon de se débarrasser des radicaux libres. Si on digère les organites qui sont affectés, par exemple, qui en ont trop, ou si on digère juste du matériel cellulaire qui serait trop oxydé, des protéines oxydées, on pourrait se débarrasser assez rapidement des radicaux libres pour que la cellule reste en vie, qu'elle reste fonctionnelle. Donc on est allé plus là-dessus. Ce que j'ai fait, par exemple, c'est des marquages avec une protéine qui est reliée aux vésicules, aux vacuoles autophagiques. Donc pour voir est-ce qu'il y en a plus, est-ce qu'il y en a moins en présence de cucurbitacine E. Donc ça, c'était... C'était vraiment, vraiment intéressant. Par contre, ça ne nous a pas donné des résultats tout blancs, tout noirs, parce que la recherche, ça ne donne jamais des résultats tout blancs, tout noirs. Je vais aller chercher ça. Essentiellement, la thèse est toujours simpliste par rapport aux résultats. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est sûr que... Ben, on s'attend à voir... on espère voir un beau résultat, puis là, ben... On sait jamais. Donc, ce que j'ai fait, en fait, là, c'est que j'ai littéralement compté les vacuoles autophagiques présentes dans mes cellules. Donc, j'ai marqué la protéine associée à l'autophagie qui se trouve avec le LC3B. Bon, c'est dans la plupart des cellules de mammifères, c'est associé avec les vacuoles autophagiques. Donc, je l'ai marqué par un petit marqueur fluorescent. Donc, en regardant en microscopie, j'étais capable de voir que cette protéine-là, donc de ne voir que les vésicules autophagiques. Donc, ensuite, en ayant juste ça, on est capable de voir en l'absence de toxines, en l'absence de cucurbitacine E. Ensuite, on essaie avec juste la cucurbitacine E, avec la toxine, puis les deux ensemble. Donc, on est capable de compter tout ça. Donc, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il n'y avait pas vraiment plus de vacuoles. Okay. J'ai pas vraiment trouvé plus de vacuoles autophagiques. Par contre, elles étaient plus grosses. Ah! Ah, voilà. Donc, les vacuoles autophagiques étaient plus grosses, ok. Là, on a essayé aussi... oui, non, ça, c'est un autre tableau qui prouve qu'elles étaient plus grosses. Pourtant, la régulation de l'autophagie était pas vraiment modifiée. Ce qu'on a vu qui est intéressant, c'est que dans la cellule, la répartition n'était pas la même. Donc, on n'a pas... En gros, là, on sait que la cucurbitacine E a un impact sur l'autophagie. À quel niveau est-ce qu'elle agit? On n'est pas encore bien, bien certain. Mais ce qu'on pouvait voir, c'est que dans notre modèle de maladie de Parkinson, bon, la cellule est affectée, c'est toxique. On le fait à une dose où nos cellules vont pas toutes mourir, mais ils sont comme en voie de mourir. Donc les cellules présentent des signes de toxicité. Mais si on mettait une dose où ça tuerait toutes les cellules, on n'aurait plus rien à observer. Donc c'est vraiment une dose, puis un moment aussi où on fait le test que les cellules sont en voie de mourir, qui sont très affectées. On peut voir que les lysosomes, qui sont les petits organites qui servent à digérer, donc à dégrader tout ce qui est toxique, ils sont pas au même endroit, sont pas bien répartis. Donc, ils sont pas nécessairement aussi utiles. On peut voir qu'ils sont toutes proches du noyau, dans un petit moton. C'est un peu étrange. D'habitude, quand on voit dans la condition contrôle, ils sont partout dans le cytoplasme, puis ils font leur job un peu partout. Par contre, ce qu'on peut voir quand on a ajouté la cucurbitacine, c'est que les lysosomes retournent à leur place. Donc, peut-être que le stress oxydant aurait eu un effet néfaste sur les lysosomes, mais avec la cucurbitacine E, on voit qu'ils retournent, qu'ils reviennent à leur place. Et aussi, on peut voir qu'ils sont plus placés là où on trouve des mitochondries. Donc, avec le MPTP, bon, on a moins de mitochondries, parce qu'on a créé un stress oxydant tellement grand qu'on les a tués. On en a tué une bonne partie. Mais avec la cucurbitacine E, on retrouve nos mitochondries, parce que la cellule est plus fonctionnelle. Elle va déjà mieux. Puis on peut voir que les lysosomes se retrouvent au même endroit que les mitochondries, même parfois directement l'un par-dessus l'autre, ce qui peut vouloir dire que les mitochondries et les... Mais si les mitochondries et les lysosomes sont ensemble, les lysosomes sont en train de digérer les mitochondries. Donc on est en train de se débarrasser de ceux qui sont pas bonnes. Donc, okay. Donc on sait que ça fonctionne. On sait pas exactement par quel moyen, mais on se doute que ça aurait un lien avec l'autophagie. Parce que on peut voir des vacuoles très très grosses, des vacuoles autophagiques très très grosses en présence de cucurbitacine E, ce qu'on voit pas normalement. Puis ce qu'on voyait pas non plus, on a testé avec une molécule synthétique qui augmente l'autophagie. Elle fait en sorte que la cellule se met à se bouffer de l'intérieur entièrement au point d'en mourir. Qui est un modèle juste pour avoir comme un contrôle positif d'autophagie. Donc si on laisse la cellule toute seule, on a un contrôle de base. Puis si on met cette toxine là, ben on crée l'autophagie. Puis on voulait voir qu'est-ce que ça faisait avec la cucurbitacine en plus. Puis on voyait moins d'accumulation de vacuoles autophagiques, donc peut-être que le processus allait plus vite ou que le processus fonctionnait mieux. C'est vraiment dur à dire à quel niveau est-ce qu'elle vient interagir, mais elle a un effet. Un effet qu'on peut voir sur l'autophagie, Oui, sur qui est positif pour les neurones. potentiellement sur Lysosome. les lysosomes en Oui. particulier. Oui, parce qu'ils sont localisés à un endroit différent dans la cellule en présence de la toxine, et ils se relocalisent à leur endroit normal avec la cucurbitacine. Par contre, c'est peut-être pas un effet sur les lysosomes, c'est peut-être un effet plus haut. Peut-être que la cucurbitacine, en bloquant un des effets néfastes de la toxine, et fait en sorte que les lysosomes restent à leur place normale aussi. Donc ça veut pas dire que c'est elle qui crée ça. C'est toujours, quand on trouve un résultat, il faut toujours se dire peut-être que ça a été, peut-être que l'effet a été fait avant, en amont, en fait, de ce qu'on observe. Est-ce qu'il y aurait d'autres applications outre le Parkinson pour, mettons, la cucurbitacine E? Ben, ses propriétés anti-inflammatoires sont super intéressantes, donc nécessairement, c'est un peu étudié à ce niveau-là. Pour la survie neuronale, ça serait à voir. Parce qu'on sait qu'il y a un effet sur l'autophagie, mais on ne sait pas lequel. Puis, je ne suis pas certaine si l'autophagie est pertinente dans la maladie d'Alzheimer, mais peut-être. C'est vraiment dur à dire. Donc, il y a quand même des pistes qui donnent un peu d'espoir pour utiliser la Oui. cucurbitacine, mais c'est pas tout à fait clair présentement. Non, mais ça fonctionne, Ça mais on sait pas fonctionne. pourquoi. OK. C'est ça. Ça fonctionne, puis j'ai trouvé des effets, dans le fond, des effets sur différentes molécules, sur le phénomène d'autophagie dans la cellule, mais on n'a pas encore trouvé quel est l'acteur principal qui est influencé par la cucurbitacine E. Non. Tout ce qu'on pense avoir observé, là, pour l'instant, c'est plutôt des effets qu'elle va avoir sur la cellule. Par exemple, dans la répartition des organites dans la cellule, la réapparition des mitochondries qui commencent à être un peu disparu avec la toxine, parce que c'est très toxique pour les mitochondries, mais on sait pas la cucurbitacine E avec qui elle interagit quand elle rentre dans une cellule. C'est plus ça. Quelle est sa cible dans la cellule, on sait pas encore. Tout ce qu'on a fait, c'est observer des effets. Donc, plus de C'est recherches pas à mal venir. ça. Ben oui, plus de recherches à venir, toujours. Toujours de la Toujours recherche. plus de recherches à venir. Mais c'est intéressant. Ça fonctionne à une dose super intéressante aussi, là. Ben, ouais, ça a l'air bizarre, dit de même. Ouais. Ça fonctionne à une dose super intéressante. C'est quoi une dose super intéressante? Ouais, ben c'est une dose qui pourrait être obtenue dans le cerveau par l'ingestion de suppléments. Donc, comme on sait, le cerveau est protégé du restant du corps par la barrière hématoencéphalique. Je sais pas si tu connais, si tu es familier avec la barrière Je hématoencéphalique. connais, malheureusement, je connais juste le nom en anglais qui est comme une version simplifiée de Blood-Brain Barrier. Oui, mais c'est ça, c'est C'est ça. blood-brain barrier. Hématoencéphalique, La c'est comme barrière la hématoencéphalique. barrière Ouais. hématoencéphalique qui est exactement comme le terme fancy pour Blood-Brain. Oui. Blood-hémato-encéphalique. Oui. Voilà. Brain. Voilà. Quand on travaille sur une maladie qui est dans le système nerveux central, c'est comme notre plus gros obstacle, la barrière hématoencéphalique, parce que tu peux développer un médicament parfait qui, in vitro, fonctionne vraiment bien, puis rendu dans un animal, ça fonctionnera plus du tout parce que ton médicament se rend pas au cerveau parce qu'il passe juste pas la barrière. Donc la barrière, ce sont des cellules qui servent vraiment à créer une barrière parce que dans notre sang, il peut y avoir plein de choses qu'on veut pas qu'ils se rendent au cerveau, par exemple des infections, des toxines, etc. On veut pas que ça se rende au cerveau, donc le corps contrôle vraiment tout ce qui peut se rendre au cerveau en passant par la barrière qui est comme le filtre, en quelque sorte. Donc, si la molécule ne passe pas la barrière, ben, t'auras beau donner ton médicament, il faudrait qu'il soit injecté directement dans le système nerveux, puis ça se fait pas vraiment. Donc, pour la cucurbitacine E, ben, c'est un composé qui passe, en fait. Donc, déjà là-dessus, on est très très chanceux. Évidemment, par absorption orale, comme avec un comprimé, il y en a toujours qui vont être dégradés dans l'estomac, il y en a toujours qui vont passer tout droit dans l'estomac puis qui seront jamais absorbés. Donc, il y a toujours un certain pourcentage d'un médicament qui est absorbé, puis un certain pourcentage qui passe tout droit, littéralement, qui est rejeté. Donc, avec tout ça, ça fait qu'il y a des doses de médicaments qui se rendent au cerveau. Faut qu'elles passent à travers la digestion, faut qu'elles passent à travers le sang, faut qu'elles soient transportées dans le sang, faut qu'elles passent à travers la barrière hématoencéphalique. Donc, c'est vraiment des concentrations très petites qui se rendent au cerveau, mais la cucurbitacine E avait ses meilleurs effets à une concentration nanomolaire. Donc, qui est très petite, donc c'est encourageant parce que c'est une dose qui est tout à fait possible d'obtenir, par exemple chez le rat, pour les groupes qui travaillent pour les propriétés anti-inflammatoires, par exemple chez le rat, avec une absorption orale, ça fonctionne très bien. Donc, Est-ce qu'il y aurait des chances d'avoir des... Des comprimés? Non, pas des comprimés, mais mettons de la vaporisation. La vaporisation? Ouais, tu sais, vaporiser la cucurbitacine. Ça irait directement dans le sang. Moi, je dis ça en tant que... Je pense qu'on serait mieux avec de l'injection. Mais parce que je suis pas certain que ce soit une molécule très, très volatile. Ah. C'est une grosse molécule estrogénique. En fait, c'est un phytostérol. Ce qu'on appelle phytostérol, c'est dans le fond... c'est des molécules qui viennent de plantes, d'où phyto, avec une structure stérolique, comme le cholestérol, qui est une version animale, si on veut. Donc, ce sont des grosses molécules. Ce qui est dérivé du cholestérol, c'est tout ce qui est estrogène, testostérone, toutes ces molécules-là qui sont pour nous des hormones, en fait. Et il y a un peu la même version dans les plantes, donc ce sont les phytostérols. Puis ce sont des molécules qu'on appelle grasses ou lipidiques. Donc, tu sais, le classique, il y a des choses qui sont aqueuses qui se diluent dans l'eau, et des choses qui sont lipidiques qui se diluent dans l'huile. Ben, la cucurbitacine E se diluerait dans l'huile, mais ne se dilue pas vraiment bien dans l'eau. Donc, je suis pas certaine qu'on pourrait faire une vapeur de ça. Faudrait que ce soit une vapeur huileuse. Je suis pas sûre que ça marcherait vraiment bien. Ça serait un sujet pour... Ouais, tout pour une autre fois, ça c'est un très autre... chimique. un autre bon 45 minutes de tout ça. Parce que je suis pas mal sûr que des... En fait, je sais pas, mais... Tu sais, comme les gens qui font du vaping maintenant. Oui. C'est du glycérol. Puis... Oui, c'est du glycérol. Mais c'est beaucoup plus simple comme molécule, le glycérol. Beaucoup plus petit aussi. J'imagine juste un avenir où les gens, ils prennent des puffs de... De médicaments? De cucurbitacine à travers leur vape rig. Ça coûte amer. Je suis pas sûre que ça doit être super bon. Ben, là, t'es comme, t'as le Parkinson ou tu puffes de quoi d'amer? Ah, c'est sûr. Le choix est fait. Anne-Marie, merci beaucoup. Super intéressant. Ça fait plaisir. On a pris des affaires aujourd'hui. Oui, c'est un peu pointu quand même. Je sais pas s'il y a vraiment de l'espoir d'avoir un médicament là-dessus. Évidemment, les molécules naturelles sont pas brevetables, donc il y a aucun désir de l'industrie à développer des molécules naturelles. Mais, point de vue fondamental, ben, ça nous fait découvrir des nouvelles voies de signalisation, ça nous fait découvrir des nouvelles potentielles molécules préventives pour une maladie qu'on ne peut pas, pour laquelle on n'a aucun moyen curatif. On n'a que du palliatif ou du préventif. Donc, voilà, il y a de l'espoir là-dessus. J'ai hâte de voir où ça s'en va. Merci.